faille de la bête où tous les rêves inopportuns crèvent quand bon leur semble. Il y en a même qui te ressemblent, ce qu'on cuit d'un interprète croisé avec celui d'un rien. Et t'auras beau courir plus vite, passer comme un vieux con des potes dans l'aquarium. Dans la grande utopie des hommes, tu trouveras peut-être un frère de gîte s'il reste au moins un peu de stock. J'ai pas trouvé le fin mot de l'histoire, j'ai même pas éteint la télé, je sais plus où j'en suis. De toute façon, j'ai pas compris pourquoi tu m'as laissé le choix. On peut guère être plus dedans qu'à côté. Bienvenue dans l'entraille de la merde, tous les crevés de demain s'aiment quand bon leur semble. Si la vie saigne un peu, je tremble entre la bouffe des vers de terre. Nous sommes des moins que rien. Sur des échafaudages, j'entends rien de vaut une remise à niveau, une démolition. Et t'as beau toucher le fond avec ton moignon d'épouvante, cherche pas la mort dans ton écho. Y'a les vipères du mois de décembre avec un crochet sur la queue, achève les morts de faim. Vaut mieux acheter des jouets de gamin plutôt que d'empêcher de descendre des gens à poil sous la faucheuse. J'ai pas trouvé le fin mot de l'histoire, j'ai même pas éteint la télé, chère. Plus où je fuis. De toute façon, j'ai pas compris pourquoi le monde est un trottoir. On peut guère être plus dedans qu'à côté.